Constantin, son autorité vis-à-vis celle de l'Église. Est-ce que ce sont les empereurs qui disaient quoi faire à l'Église ou l'inverse? L'argument protestant pour indiquer que l'Église catholique n'est pas l'Église du Christ est que l'Église était soumise à des empereurs païens, ce qui prouve que l'Église n'était plus conduite par le Christ. Maintenant, est-ce que cet argument est prouvé par les données historiques? Eh bien non. Cette position est impossible à prouver. Il faut déformer les affirmations historiques pour arriver à cette conclusion. Vous savez, les amis, le protestantisme, pour se donner le droit d'exister, doit obligatoirement et forcément enlever ce même droit à l'Église. Il ne peut pas y avoir deux Églises du Christ, comprenez-vous? C'est la raison pour laquelle les protestants attaquent et attaquent et attaquent encore l'Église catholique. Si l'Église catholique est la vraie Église du Christ, alors ils deviennent donc, eux, des sectes rebelles qui existent illégalement. Comme je l'ai déjà dit en d'autres messages, dénaturer et falsifier les faits historiques n'est pas un péché pour l'école protestante. Au contraire, pour enlever sa crédibilité à l'Église, tous les coups sont permis, tous les mensonges aussi. Cette école de pensée est responsable d'avoir lancé comme ça une quantité industrielle de désinformation sur le net. Mais par la grâce de Dieu, nous allons rectifier et vérifier tout ça à l'aide de vrais manuels d'histoire. Je répète que je tire principalement mes informations de la série « Les grandes études historiques, l'Église des apôtres et des martyrs » de l'historien Daniel Rops, historien de grand renom. Daniel Rops a reçu sa formation à l'Université de Lyon. Il était historien séculier, également historien de l'Église. Il était écrivain et un professeur d'université. Il a été membre de l'Académie française et à sa mort, il a reçu de nombreuses distinctions. Jésus-Christ, le premier, a restauré l'autorité de Dieu en face de celle de César en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le Christ a nettement démarqué les deux autorités et la nette séparation entre l'autorité temporelle et spirituelle. Daniel Rops a écrit « Au moment où l'Église et l'Empire vont s'associer, le danger était que le christianisme fût absorbé par l'État, que l'empereur devint le pontifex maximus de l'Église, comme il l'avait été des idoles, et que l'Évangile se transforma en une morale d'opportunisme politique. » Fin de citation. Alors, c'est ce que les protestants enseignent à leurs ouailles. Mais ils disent que c'était un danger, pas que c'était arrivé. Ils disent que les empereurs ont dominé sur l'Église et que l'Église catholique est devenue une religion païenne, en quelque sorte, avec un vernis chrétien. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas fidèle à la vérité historique et je vais le prouver facilement. L'Église a su prévoir ce danger et s'en est gardée dès le commencement. Constantin est le premier empereur à s'associer avec l'Église, mais celui-ci n'a jamais imposé son autorité à l'Église. Il ne lui a jamais dit quoi faire et ne lui a jamais rien imposé. Constantin et le pape de l'époque travaillaient vers le même but. Constantin se trouvait dans une situation très délicate. Comme empereur, il demeurait chef de la religion païenne officielle, c'est-à-dire le Pontifex Maximus. Les protestants disent que s'il avait été vraiment chrétien, il aurait abandonné ce titre et cette fonction. Mais s'il avait abdiqué tout de suite cette position sans réfléchir, imaginez-vous dans quelle merde noire il aurait plongé l'Empire. Il aurait perdu le contrôle sur toute cette masse de païens, et l'Empire s'en serait trouvé divisé, avec tout ce que ça implique de troubles et de problèmes de toutes sortes. Alors il lui fallait composer avec cette situation. Ça me rappelle un peu la situation de Pierre à Jérusalem, où dans l'Église, il y avait ceux qui avaient abandonné la loi de Moïse et ceux qui ne l'avaient pas abandonnée. Pierre et les anciens ont dû être très prudents pour tenir tout ce beau monde-là dans une tolérance mutuelle et la charité fraternelle afin d'éviter la division dans l'Église. Jean Chrysostome écrit « Le pouvoir de l'Église dépasse le pouvoir civil en valeur autant que le ciel dépasse la terre. Grand artisan de la défaite du paganisme, Ambroise de Milan, de son côté, travailla à l'établissement d'un gouvernement parfaitement chrétien, où l'État serait soumis à l'Église, en tout ce qui regarde la doctrine et la morale publique. Ambroise dira, dans les affaires de foi, ce sont les évêques qui sont les juges des empereurs, et non les empereurs qui sont les juges des évêques. On dira aussi, l'empereur est dans l'Église et n'est pas au-dessus. Fin de citation. Voyez-vous, c'est très très différent de ce que l'école protestante enseigne, pas vrai? Tous ces témoignages, et bien d'autres encore, prouvent que l'Église n'a jamais perdu ou vendu son identité et son autorité au profit des empereurs romains. Revenons à Constantin. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. À partir de 317, les monnaies sont frappées un peu partout qui représentent le monogramme CH-R avec la marque de la croix. Les décisions administratives abondent qui favorisent les chrétiens. Il est vrai qu'il conservera le titre de grand pontife que ses prédécesseurs avaient tous eu. Il n'exerça pas les fonctions liturgiques du pontificat païen, toutefois. Voici ce qui est écrit dans l'Édit de Milan. Nous, Constantin et Licinius Auguste. Licinius était le chef de tous les cultes païens et qui faisait auparavant opposition à Constantin. À savoir que nous accordons aux chrétiens et à tout autre toute liberté de suivre la religion qu'ils choisiront. En vue de quoi la divinité qui réside au ciel veuille bien être favorable et à nous et à ceux qui vivent sous notre empire. Par ce sage et salutaire conseil, nous faisons donc savoir notre volonté, afin que la liberté de suivre ou d'embrasser la religion chrétienne ne soit refusée à personne et qu'il soit licite à chacun de dévouer son âme à la religion qui lui convient. Cette concession que nous faisons aux chrétiens, votre sagesse comprendra que nous l'accordons également à tous ceux qui veulent suivre leur culte ou leur rite particulier, car il convient à la tranquillité de notre temps que chacun, dans les choses divines, puisse suivre le mode qui lui convient. » Fin de citation. Alors, l'Édit de Milan disait ça. C'était un grand pas en avant, voyez-vous, l'époque et les circonstances ne permettaient pas encore de faire triompher le christianisme au-dessus du paganisme. Mais c'était un début des plus prometteurs. Constance, le fils de Constantin, qui a régné après lui, a lui aussi gardé le titre païen de Pontifex Maximus, non parce qu'il était un hypocrite ou un faux chrétien, mais parce qu'il le fallait. En gardant ce titre, il pouvait encore imposer son autorité sur les cultes païens. Il devait garder ce titre afin de contenir le paganisme et en diminuer lentement les droits, en diminuer l'influence, l'affaiblir, en décroître la puissance pour éventuellement l'amener lentement à la disparition. Abandonner immédiatement ce titre aurait été une très grave erreur, parce que quelqu'un d'autre l'aurait pris et aurait fait survivre le paganisme. Les protestants, eux, regardent tout ça et disent « Constantin et Constance étaient des plaiseurs d'hommes, ils auraient dû affirmer leur position de chrétien s'ils en étaient vraiment. » Alors, à cause de ça, ils croient que Constantin n'était pas un vrai chrétien. Mais réfléchissez un instant. Est-ce que le christianisme vous a été imposé par quelqu'un, mes amis? Êtes-vous devenu chrétien parce que quelqu'un vous a forcé à le devenir ou l'avez-vous accepté librement? Le christianisme ne s'impose pas. Il se présente à la conscience des hommes, c'est tout. Le monde de l'époque n'était pas encore prêt pour un changement aussi radical. Constantin était un homme très sage. Il est allé aussi loin que les circonstances de l'époque le lui permettaient. Il a placé le christianisme au milieu de son empire, mais sans l'imposer encore. Le paganisme était encore beaucoup trop fort. Il ne fallait pas provoquer les gens à l'émeute et plonger l'empire en des guerres civiles non plus. Nous voyons que tout comme la précédente, la Rome chrétienne ne s'est pas bâtie en un jour. La chose s'est faite graduellement, et naturellement et par étapes. Constantin a marqué le début de la révolution de la croix. Ses fils après lui ont fait avancer la cause de l'Église et fait reculer encore davantage le paganisme. C'est l'empereur chrétien Théodose, à la toute fin du IVe siècle, qui mettra le dernier clou dans le cercueil du paganisme, en décrétant le christianisme religion d'État et interdira tout culte païen parce qu'arrivé à cette époque, le christianisme était rendu assez fort pour le faire. Daniel Ropp s'écrit « À une société si profondément atteinte par la désagrégation morale, les triomphes du christianisme apportaient des antidotes à toutes ces toxiques. L'empereur Théodose eut le pressentiment que dans ce naufrage, une seule puissance était capable de sauver la civilisation, l'Église. » Fin de citation. Alors voyons-nous que l'Église d'Occident n'est jamais glissée entre les mains des empereurs païens. Premièrement, parce que les empereurs étaient des chrétiens et qu'en tant que tels, ils étaient tous soumis à l'Église. L'Église a toujours gardé son autorité distincte du pouvoir séculier. L'Église catholique d'Occident n'a jamais été le jouet des empereurs, comme le dit l'école protestante. Affirmer le contraire, c'est aller contre toutes les données historiques. L'Église d'Orient, par contre, y est glissée et a connu beaucoup de troubles à cause de ça. Daniel Ropps écrit: Il faut noter que dès le IVe siècle, une certaine tendance des empereurs à intervenir dans les nominations d'évêques, notamment pour le siège de Constantinople, qui se trouvait en Orient et non à Rome. La faiblesse de certaines assemblées d'évêques autorisa les intrusions qui, dans les siècles suivants, fera beaucoup de mal à l'Église. Fin de citation. Voyez-vous, il faut faire la différence entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, c'est-à-dire Rome. Il est question ici de Constantinople et pas de Rome. C'est à Constantinople, c'est-à-dire l'Église d'Orient, qui va souffrir des intrusions des empereurs dans les affaires de l'Église, comme le dit encore l'école protestante. À Rome, la situation était bien différente. Un manuel d'histoire de l'Église dit ceci: Saint Ambroise de Milan était le confident de l'empereur Gratien, quasi-tuteur du jeune Valentinien II et ami de Théodose. Il eut une influence profonde, mais jamais il n'accepta d'abaisser l'Église devant le pouvoir impérial, ni de lier son action à celle de l'Empire. En toutes circonstances, ce qu'il revendiqua, ce fut le droit pour l'Église de juger les maîtres du monde au nom du Christ. Il écrit: Si les rois fautent, les évêques ne doivent pas manquer de les corriger par de justes semonces. Il dit encore: En matière de foi, il appartient aux évêques de juger les empereurs chrétiens et non aux empereurs de juger les évêques. Fin de citation. Voilà pourquoi, mes amis, on voit dans les films d'histoire souvent, auprès des rois, il y avait un représentant de l'Église. Les évêques tempéraient le pouvoir des rois et non l'inverse. Je cite à nouveau le manuel d'histoire de M. Daniel Ropps. L'empereur Gratien est chrétien et se laisse entièrement guider par saint Ambroise. Grand artisan de la défaite du paganisme, saint Ambroise travailla à l'établissement d'un gouvernement parfaitement chrétien, où l'État serait soumis à l'Église en tout ce qui regarde la doctrine et la morale publique. Fin de citation. Doctrine que la papauté réaffirma avec ténacité par la suite des temps. Tantôt, les princes et les empereurs eurent le droit d'entrer dans les conciles, mais les évêques seuls y eurent droit de suffrage. On ne peut être plus clair, car selon la pensée protestante, ne l'oublions pas, si ce sont les empereurs qui sont les chefs de l'Église, ce n'est donc plus le Christ. Et si ce n'est plus le Christ qui la gouverne, cette Église n'est donc plus l'Église du Christ. Voilà leur raisonnement. Voilà ce qu'ils entrent dans le crâne de leurs adeptes. Mais comme on le voit, ça n'a jamais été le cas. L'empereur Constantin n'a certainement jamais eu le dessein de soumettre l'Église à l'État. C'est ce dont on l'accuse parfois. Mais s'adressant aux membres réunis du Concile de Nicée, Constantin émit un jour cette phrase révélatrice: Vous êtes évêque du dedans de l'Église, moi je suis évêque du dehors. Il voulait dire qu'il se considérait comme chargé par Dieu du soin des populations non encore chrétiennes et auxquelles il s'attribuait la mission d'amener au christianisme. Maintes fois, il a répété qu'il voulait, et je cite, « mettre l'accord entre les hommes, les réunir tous dans un sentiment fraternel, éveiller la terre entière à l'unité. » Fin de citation. Selon qu'il est écrit, « car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Encore une fois, pour les protestants, la paix et l'unité sont deux choses qui viennent du diable. Ils en ont peur. Je vous dis la vérité, mes amis, j'invente rien. J'ai passé 25 ans dans ce milieu-là, moi. Allez dans n'importe quel groupe évangélique sur Facebook et allez dire que les efforts de paix dans le monde viennent de Dieu et je vous garantis que vous allez vous faire retrousser. C'est vraiment triste de voir à quel point les protestants ont été séduits. Ce qui était d'origine divine à l'époque de la Bible est devenu pour eux d'origine satanique aujourd'hui. Pour des gens qui disent suivre scrupuleusement la Bible, on se pose des questions. Non, mes amis, les papes n'ont jamais laissé les empereurs monter sur leur tête et imposer des lois païennes, c'est entièrement faux. Alors je vous dis, tirez instruction de toutes ces choses, mes amis. Amen.